s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut du genre. Ah, on s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut du genre. Ah, on s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut du genre. Ah, on s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut du genre. Coup de feu, débat, jour de guerre, on se prépare. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut du genre. Ah, on a marché dans l'obscurité, braquage de soleil. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut ton oseille. Prise de notre trésier, tu connais les faits. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut ton féfé. Mon million me manque, roule dans un tanka. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut la banca. Crame une Marlboro, joue pas le toro. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut ton roro. Sors pas d'un toro, dis, check si t'es maudit. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut ton Audi. On voit tout ce que t'amasses, j'veux ton palace. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, frère, tu vas ralasse. Délo, Ibis, Ibis, prends pour Ibis. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, à peine pour Sidis. Les couilles, elle est énorme, et tout le monde aime la somme. Va à l'heure, je parle, ta mère klaxonne. Love 9, CC, boîte 9, stressé. Tout le bébé, j'quitte la tête, on peut faire Carcassonne. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut du genre. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut du genre. On s'emballe, qu'on s'emballe les couilles, on veut du genre. Yeah!